Lisbeth avait, à la prière d'Adeline, raconté les circonstances de l'infidélité de Venceslas, et la baronne avait alors appris, à son grand étonnement, qu'en une soirée, en un moment, Madame Marneffe s'était rendue maîtresse de l'artiste ensorcelé. « Comment font ces femmes ?» avait demandé la baronne à Lisbeth. « Rien n'égale la curiosité des femmes vertueuses à ce sujet. Elles voudraient posséder les séductions du vice et rester pures. »« Mais elles séduisent, c'est leur état !» avait répondu la cousine bête. « Valérie était, ce soir-là, vois-tu, ma chère, à faire damner un ange. » « Raconte-moi donc comment elle s'y est prise. Il n'y a pas de théorie, il n'y a que la pratique dans ce métier, » avait dit railleusement Lisbeth. La baronne, en se rappelant cette conversation, aurait voulu consulter la cousine bête. Mais le temps manquait. La pauvre Adeline, incapable d'inventer une mouche, de se poser un bouton de rose dans le beau milieu du corsage, de trouver les stratagèmes de toilette destinés à réveiller chez les hommes des désirs amortis, ne fut que soigneusement habillée. N'est pas courtisane qui veut. La femme est le potage de l'homme, a dit plaisamment Molière par la bouche du judicieux Gros René. Cette comparaison suppose une sorte de science culinaire en amour. La femme vertueuse et digne serait alors le repas homérique, la chair jetée sur les charbons ardents. La courtisane, au contraire, serait l'œuvre de Carême avec ses condiments, avec ses épices et ses recherches.